Oh yeah, baby. Toujours venu sur Paravite. Toujours et encore, toujours. Ah, ah oui, Witchery, ça va vite, hein. Et oui, on se dit deux mots en antenne et voilà, c'est déjà la fin. J'aime bien Witchery, hein, groupe suédois. Encore une fois, on aime bien les Suédois ici. Hein. Tout ce qui est du Nord. Quand on est dans le Sud, on aime bien les gens du Nord. Ça nous rafraîchit un petit peu. Toujours avec la programmation... Sylvie, ta programmation musicale. Oui. Tu as été voir donc au Passager du Zinc un concert où il y avait Synopsis. Il y avait Synopsis, entre autres. Tout est la tête d'affiche, entre guillemets. Il y avait Vespérine. Et Alpha du Centaure. Donc oui. Alpha du Centaure que j'avais vu à l'Iron Bar. Mais là, ça prenait une autre dimension quand même. Déjà parce que à l'Iron Bar, c'était leur premier concert. Donc là, le son était nickel. Ouais. C'était vraiment très, très bien. Vespérine. Donc évidemment j'ai acheté un CD de chaque groupe. Donc voilà, je crois que tu avais une petite préférence pour mettre Synopsis ce soir. Et pour commencer, ouais, après on peut écouter les autres. Hein. Synopsis, ça fait un moment que j'en entends parler et j'avais la démo à l'époque. C'est toujours dans la même veine. Alors là, ça fait un peu métal, on va dire. J'aime pas dire cinématographique, mais tu sais, un peu à la hypnose, là, avec des films qui passent derrière. Ils sont diffusés derrière. Voilà. Bon, ils font pareil en concert. Hein. Voilà. Mmh. Bon, c'est bien. C'est dommage parce que c'est un peu du déjà vu, ça, mais... C'est pas original, mais ça passe bien quand même en concert. Voilà. Après, ça passe super bien. Hein. Non, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font, de toute façon, depuis le début, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mmh. Et ça a une autre dimension par rapport au premier CD, quoi. D'accord. Du coup, sur ça, ils sont pas éclairés, ils sont simplement en image en ombre chinoise, quoi. Ah, si, on les voit, derrière. On les voit, mais il y a deux petits écrans derrière avec un film qui passe. Qui est diffusé en même temps que le concert. Qui est diffusé en même temps que le concert. Et donc en concert, ils ont joué quoi, le dernier album et le puis, dernier album, ils ont dû jouer au moins un morceau de l'album précédent. D'accord. On va réparer le ventilo parce qu'il est en train de se casser. On entend le réparateur du ventilateur. C'est pas un film X, ça, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas l'image, heureusement, c'est pas comme dans Synopsis. Allez, on écoute Synopsis maintenant, c'est parti, j'ai calé un petit morceau, c'est le 2. Il est bien ce morceau, j'aime beaucoup. Ça s'appelle... Alors l'album s'appelle Le Temps des Rêves. Voilà, ça va nous faire un peu planer. Moi, ils me font rêver, hein, c'est sûr. Reverie of a Rising Star. C'est parti. Valorant sur 89.9. ça. C'est du bon métal, comme à l'habitude dans l'émission Parasite. On entend quelqu'un parler derrière, c'est normal. Hein. Mademoiselle Maman. Ouais, c'est vrai, la mère qui parle, c'est ma mère. Ça fait des parasites, c'est normal, c'est l'émission Parasite. Oui, oh, yeah. Alors, on a écouté donc auparavant, donc ça fait plaisir à certains auditeurs, Steve Renwood, qui nous écoute sur FM.fr, évidemment, a adoré le morceau de Mastodon. Mais c'est un peu le cas de tout le monde, parce qu'on a vraiment craqué sur le dernier album de Mastodon, Emperor of Sen, et ce morceau est vraiment fabuleux. On a écouté Steam Feeder, je crois, si je ne vois plus de loin. Et voilà, c'est bah, spécial dédicace pour toi, donc Steve Renwood, que l'on retrouvera peut-être samedi soir. C'est toi qui avais gagné aussi un CD, Music Why. Donc, il y a d'autres CD à gagner. Les premiers qui m'envoient un petit message perso sur la page Manuwar Play FM gagneront un petit CD que vous pourrez récupérer lors d'un concert, ou alors je vous les enverrai si vous étiez très très loin. Voilà, juste vous laisser votre adresse sur la page Manuwar Play FM en message perso. Et puis auparavant, il y a eu Witchery aussi, le groupe suédois que j'adore évidemment aussi, sinon je ne les passerai pas. On a déjà que 2 heures de métal par semaine, on va pas mettre les trucs qu'on n'aime pas non plus. Hein. Et les Infernal Majesty's Service, c'est le dernier album studio de Witchery. Très très bon groupe, toujours au top de leur forme, avec toujours Martin Axenroth à la batterie, qui joue aussi dans OPS et plein d'autres groupes, hein, qu'on adore. Vraiment très très bon batteur et très bonne formation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sylvie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour ta défense? Non, rien, bah, tu es condamné. Restez dans l'émission Parasite. Voilà, alors un autre morceau, oui. Bah, je voulais te demander, Danzig, tu aimes bien Danzig? Oui. Glenn Danzig est de retour avec un nouvel album. C'est pas mal quand même. Je sais plus comment s'appelle l'album, je l'ai pas sous les yeux. Et en plus, j'ai pas mes lunettes. Ça s'appelle Black Laden Crown. C'est ça, j'allais le dire. Black Laden Crown, avec le morceau Devil on Why. Je crois. On va écouter cet extrait, c'est la première fois qu'on le passe à la radio. Donc on écoute, c'est une nouveauté Fly FM. Danzig est de retour en pleine forme. Et puis c'est pour ça aussi qu'il y aura le morceau Mother à la fin de l'émission Parasite pour fêter la fête des mères. Voilà. Allez, on écoute Danzig. Ah, c'est bon ça aussi, encore une fois, le nouveau Danzig. Bon, ben voilà, hein, c'est, ça reste classique et le mec, il est pas tout jeune. Hein. Mais il est toujours là. Ben oui. Tu m'as dit en quelle année il est né, t'as été voir? Non, je t'ai dit qu'ils avaient fondé le groupe en 67. Ah ouais, d'accord. Donc... Ah oui, Danzig a été fondé en 67. Je crois Attends, qu'il j'ai les lunettes, je crois que c'est en 87. Ouais, fais comme moi, mettez les lunettes. C'est le vieil qui... Elle est vieille, voilà, tous les gens de Fly FM sont vieux. On ne voit plus rien, on ne sait plus où on est. C'est normal. Allez, dis-nous. Non, parce qu'en fait, Glenn Danzig avait fait plein de groupes avant d'avoir Danzig, mais c'était les années 80, ça, en fait. Danzig, oui. Il a commencé avec plein d'autres groupes, Mayhem ou je sais plus qui. Enfin... Je sais plus. Moi non plus. Mais bon, ça sent bon, hein, ce nouvel album, en tout cas. On écoute un petit classique à la fin de l'émission. Et là, tu as encore quelques CD à nous diffuser. Il y avait Vespérine. Alors, attention, il ne faut pas confondre avec Vespertine, qui est de Marseille. Je ne sais pas si tu les connais. Non. C'est une ambiance un peu plus New Wave, Got New Wave. Non, non, c'est le... Et puis, il me semble me souvenir que le chanteur chante en français. Même si on ne comprend pas toujours ce qu'il dit. C'est quand même un agréable, là. Ouais. Eh ben, bah c'est la mode. Hein. Alors ouais. On va voir, hein. on va vérifier. Alors, donc, ce groupe s'appelle... Tu c'est m'as dit Vespérine, c'est ça que t'as choisi? Ah non, t'as choisi l'autre, là, Non, mais l'album jaune. On a bien préparé l'émission, hein, t'as vu. Domadora. Et tu l'as vu en concert, donc, pareil, à Avignon. À la fin des Oliviers. Bon, c'est pas pareil. Ok. Domadora. À l'Ubus. Et à chaque fois, ils font des bons CD, hein, quand, en tout cas. Je sais pas s'il y a des démos ou quoi, mais c'est bien réalisé, c'est bien présenté. Et... Après, est-ce que c'est bon ou pas? On va écouter. Domadora. On essaye. Allez. Il y a le morceau numéro 2. On va essayer de l'écouter. Ah ben non, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Et pourquoi il veut pas? 3, je mets numéro 3. Que je l'ai pas volé, hein, je l'ai payé celui-là. Hein. T'es sûr? Ah ouais. Est-ce qu'il n'y a pas de musique dessus? C'est eux qui t'ont volé en fait. Ah non, il veut pas. Eh non, il veut pas. T'es sûr que tu l'as pas... Sûr. Pourquoi il veut pas? Bon, on va essayer. Non, il veut pas. Domadora ne veut pas. C'est pas qu'on veut pas les passer, mais ils veulent pas. On va parler plutôt de Vespérine du coup, parce que si c'est il veut pas, on va passer à autre chose. Hein. C'est dommage. Ça doit être vachement bien en plus. Ah, c'était super tu bien. Tu donnes envie aux gens. Allez voir sur internet, je pense qu'il doit y avoir une page Domadora. Bah Domadora. Oui, je pense. Ça me rappelle, c'est pas un dessin animé, Dora? Si, Dora l'exploratrice. Dora l'exploratrice, voilà. Moi, j'explore les festivals métal. C'est un groupe métal qui est influencé par les dessins animés des années 80. Allez, on va parler plutôt de ce groupe Vespérine, donc, à ne pas confondre avec Vespertine, le groupe de Marseille, qui est plutôt dans une ambiance gothique. Alors, parmi les autres, c'est leur premier album, je pense, puisque c'est toi qui devrais nous en parler. D'ailleurs, c'est même pas un album, c'est un trois titres, un mini-CD. Oui, c'est une démo, non? C'est pas ça Oui, c'est ça. Alors, c'est pas mal, parce que le premier morceau s'appelle Fin. C'est un peu gothique, Doom. Dans cette ambiance-là? On dirait. Non, ça va changer, tu vas voir. D'accord. Ah, c'est l'intro. toujours dans Parasite. Une espèce de douleur qui se dégage de ce groupe intitulé Vespérine. Parmi les autres, c'est leur mini-album sorti il n'y a pas très longtemps, avec des morceaux à rallonge un petit peu comme ça, mais 8 minutes de bonheur là quand même. Ah oui, oui, oui. Là je craque complètement. Ouais. Ah, le cri de douleur, quoi. Vraiment, ça se propage. Hein. C'est très très bien, très très bien. Et en tout cas, merci pour la découverte, parce que là, je craque. Hein. Vraiment. Et on va enchaîner avec Domadora, on en parlait auparavant. Hein. Domadora, c'est le groupe qui passait pas, mais on l'a retrouvé. Hein. Il y a des liens sur Internet, heureusement. On peut en profiter. Domadora, on en parle, et c'est bien d'en parler, mais aussi de l'écouter et d'en profiter. On écoute ? C'est des Parisiens. Allez, on les écoute. C'est bien ça aussi. Oh, quel plaisir, ouais. Bon festival en tout cas. C'est Guéret ou c'est La Foire des Oliviers. C'est bien, une bonne sélection. Donc le groupe, on le rappelle, Domadora. Avec cet album The Violent Mystical Succuba. Je vais pas traduire. Et le morceau donc Indian Depression. Toujours ces bonnes ambiances un peu dépressives, mais qui sont bien, qui font du bien en tout cas. Ben ouais. Hein. Voilà, pour ceux qui aiment. Il y a d'autres qui écoutent du Anathema aussi. Hein, donc voilà, c'est un peu pareil, c'est même ambiance. Même genre d'ambiance. Oui. Très très bien. On va écouter ça à tête reposée, je pense. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre de ton côté? Il y avait d'autres groupes dont tu voulais parler ce soir? On arrive bientôt à la fin. Non, je voulais parler d'un festival. Quel festival? Tu seras au Hellfest, toi, je pense, à ce moment-là. Oui. Parce que c'est le samedi 17 juin. Oui. Il y aura le Camargue Session Fest. Ça sera la deuxième édition. Ouais. Donc c'est gratuit. Camargue Session Fest. Ouais. C'est à Port-Saint-Denis-du-Rhône. Mm-hmm. Dans un petit au hameau musical. Mm-hmm. Et il y aura une petite dizaine de groupes le samedi 17 juin à partir de 16h30. Très bien. Donc, prévoir l'anti-moustique. La c'est gratuit, c'est hyper sympa. Voilà, donc j'y étais l'année dernière, j'y serai cette année. Très bien. Si on veut te retrouver, on te reconnaît comment? Il y aura les photos sur Facebook, hein, de toute façon. Non, j'ai pas Facebook et pas de photos. Pas de photos, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ah, tu as retenu la leçon, c'est bien. Ouais, c'est pas une leçon, c'est un sacerdoce. Oui, oui. Ouais, ouais, bah oui, je sais, je te connais quand même. Et oui, ben Sylvie, en tout cas, on n'a pas passé tous les CD, il reste du 7 Weeks aussi. Peut-être si on a un peu le temps. Là, j'ai un petit hommage au chanteur de Soundgarden. Ah oui. On n'a pas eu le temps en fait. Donc, mais il était aussi dans. Rappelle-moi le nom de l'autre groupe. Ouais, il y a d'autres groupes dans lequel il a joué. Ouais. Moi je préférais l'autre. Oui, mais moi bon aussi. Voilà. Moi et ben j'ai pas perdu le nom. On va vérifier tout ça. On écoute un petit Soundgarden avant de se quitter. Bon, on a le temps hein, quand même. Hein. Il y aura d'autres morceaux. Extrait de l'album Bad Motor Finger, un album que j'ai adoré à l'époque. C'était vraiment le mouvement grunge de l'époque. Chris Cornell nous a quittés il y a 15 jours, ça fait chier. Eh ouais. Eh ouais. I'm looking so- Allez, ben voilà. Hein. C'est hommage donc à Chris Cornell. On écoutera d'ailleurs même après la fin de l'émission avec un petit bonus. Le morceau de James Bond, voilà. Et on voulait revenir un petit peu avec ta programmation, Sylvie, parce qu'en fait, il y avait encore un petit CD qu'on voulait passer. Le groupe s'appelle Clone. Ah, Clone, bon, oui, hein. Oui. Ouais, ils sont bons. J'étais passé du côté de Marseille, là. J'avais pas pu aller les voir. Ils étaient donc en acoustique à Guéret. Oui. Je pense... C'était très, très bien. Mais oui. Je pense pas que j'aurais écouté l'album en acoustique chez moi, dans ma voiture, au moins. Donc, j'ai acheté deux albums... Il n'y a que deux albums. Non, ils en ont fait plein. Ils en ont fait 4 ou 5, si c'est pas plus. J'ai pas la bio devant les yeux. Ouais, c'est ils en avaient au moins 4 ou 5. Ouais. Ça ils font partie de la clonosphère, là. En même... La clonosphère. Oui. Le clone. Voilà. Il y a Magua, il y a Trépalium, tout ça, ils font partie de la même truc. Une espèce d'association, en fait. Voilà. De groupe. De groupe, ouais. Les malfaiteurs. Voilà. Seven Wings en fait partie aussi. Ah, enfin, oui. Voilà. Tu vois. Ils sont bons aussi. Ouais. On n'aura pas le temps de les passer ce soir, mais en tout cas, on va écouter maintenant le clone. Et ben voilà. Et ce morceau s'appelle Numéro 2. C'est le deuxième morceau de cet album excellent. Il n'y a pas de titre sur l'album, je ne sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas, il est magnifique. Allez, on écoute. Turns off! encore un petit chef-d'œuvre signé. Donc, Clone, on vient d'écouter l'album. J'ai pas regardé leur discographie sur Internet. Mais ça reste quand même un très très bon groupe hein, qui tourne pas mal et qui vend des albums. Ben oui. On commence à se faire connaître, hein, c'est très bien. On arrive à la fin de l'émission. C'est l'émission spéciale Fête des Mères. Donc j'avais calé quelques morceaux, j'avais un petit Ozzy Osbourne, on verra après le générique de l'émission. Et pour l'heure, bah, on parlait de Danzig, et évidemment il avait fait un chef-d'œuvre à l'époque. Glenn Danzig, c'était au début des années 80, il y avait un petit morceau qui s'appelait Mother. Non, tu te rappelles de ce morceau? Non. Pas du tout? Ben non. C'est vrai. Bon, on va se dire au revoir là-dessus alors. Mais écoute... Moi, tu veux rester? Non. Il y a un after. On va finir cette bonne bière d'ailleurs, hein, qui vient de Bourgogne. Mais non, pas de Bourgogne. Du Limousin, je suis con. Je pense que elle t'a fait l'effet, la bière ambrée du Limousin. Ouais, tu as vu ça, hein. Elle était très forte, très, très bonne. La barbotine, voilà. On peut dire parce qu'elle est bonne, mais par contre, il faut aller la chercher loin. Hein. Ouais, mais écoute. En Bourgogne. Bon, on bah, tout bah, ça pour revenir dans le Limousin. Voilà, j'ai fait un grand détour. Ouais, elle est bonne, en tout cas, on y reviendra, hein, on reviendra dessus. Allez, on va se quitter ce soir pour l'émission Parasite. N'oubliez pas la semaine prochaine, la prochaine émission 21h-23h, 2h de Hard Rock, trajet Black Metal, et la rediffusion, c'est tous les vendredis à partir de 22h. Sylvie, tu reviendras quand tu veux. Ah ben là, ça va être short, hein, si ça finit dans 15 jours, ça sera au mois de septembre maintenant, je pense. Ouais, je pense que ce sera au mois de septembre, il fera moins chaud. Ouais. Et puis entre-temps, j'aurais fait des festivals. Hein. Plein de concerts, plein de festivals, ouais. Toi aussi? Oui, et je pense que ouais, le festival vers Lyon, là, ce sera pas mal. Hein. Ouais. Et il y en a un petit dans la Drôme aussi. Ah oui? Dans la veille du... La fin août. Oui. Fin août. Avec Oranzi, Pazuzu. Pazuzu. Ah oui. Donc tu as dit que c'était vraiment bien en concert. Hein. Ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Mmh. Donc, c'est dans la Drôme, c'est pas très loin. Voilà. Ah ben c'est intéressant. Pour tous les gens du Sud qui nous écoutent. Ouais. Voilà. On fait un petit kissou évidemment à Amandine Palamba qui nous, je sais pas si elle nous écoute, elle fait un petit like. Nils Bang évidemment, le chanteur de Sentinelle, l'ancien chanteur de Sentinelle qui écoute souvent l'émission. À Franck Bodino, évidemment tous les auditeurs, auditrices. Isa Fosco qui est là aussi, Steve Renouille bien sûr. Sébastien de Volume Brutal, Ben Kilmister, ça c'est vers la Suisse. Et puis le Turbo Jean-Louis qui nous écoute aussi. Au fait, le gagnant du concours, enfin du concours, du CD gagné. Ce sera ce soir Jérôme Bianconi, voilà, que l'on voit souvent de temps en temps, il passe à la radio aussi. Voilà, lui au moins il participe à l'émission. On va se dire au revoir. Allez, on y va. Ciao ciao, Mother, spécial fête des mères. À la semaine prochaine à tous. Ciao ciao, bye. Bye. Children, not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, Mother, can you keep them in the dark alive? Can you hide them from the waiting world? Oh, Mother, Mother, gonna take your daughter out tonight. Gonna show her.